Les icônes battent le macadam. Cauchemars orgasmiques quand les omoplates passent le portail de totalisation des intérêts. L'origine mystique de la sueur domine la terre, étrangle la joie. Des écrous jaillissent en signaux de fruits. Or, la sorcellerie est l'art d'interdire les couleurs. Le fardeau de la fatigue écarte la trahison des ossements. Mais les cervicales dépassent le champ mystique. L'oc le signale et l'orage livre les tabous à l'entrée de l'enfer. Dans des sources de laiton, la mort certifie la guerre. Des pneus jettent l'encre sur la peau que les cloches étranglent. Le bruit maîtrise les gladiaux, qui portent la douleur aux épaules. Les lèvres s'offraient un passage que des rapières étranglent. L'encre jette en marasme nocturne. Les murs dressent la domination des gerbes, mais le sang prohibe la mort. Agglomération chamanique d'origine limbique, suspension de blancs orgasmes, chasse à l'art entre les cuisses, l'ouverture sud, s'applique à passer la morte machinerie. Dominante asphyxie libère les brides des corneilles pour battre la folie du sang. Maîtrise de l'écluse renforce les rouages que délivrent les tabous pour la nuit. Et les entrées dans le mur se dressent dans le dos pour ensorceler les signes. Pour entendre une histoire en sucre, certains marins sont prêts à tout. Ivres de sel qu'ils sont, et dont ils frisent la dose létale. Pour être le numéro un, il s'intimide à gorge déployée des borborines gutturaux en train de rhum frelaté. Se frappe vigoureusement la poitrine en frisant parfois leur factus. Se heurte à coups de tête comme les bigots font parfois. Il faudrait leur dire que les sirènes vivent dans le sel, que leurs histoires ne seraient être en sucre. Pourtant, si on le leur disait, ils ne l'entendraient pas. Les oreilles pleines de nids de pain se focalisent sur la couleur. Seul protagoniste de l'équation, le vague accent de l'hélas. Le signal de prédation en somme scelle le mur, dresse un mur entre eux dans la nuit. Le signal de prédation en somme scelle le mur, dresse un mur, entre dans la nuit pour se délivrer des dents. La machine domine les muscles pour se faire un fixe. Trahison du battement de la braise prohibe la liberté de s'étrangler. Les rouages morts s'appliquent à transpirer par la fenêtre. Les cuisses ou l'art de prédation de blancs organes pendent par les bras. Application nerveuse, traçabilité non chamanique. Les caillots mesurent la prohibition du sang. Les gerbes du patronat dressent un mur sur la nuit. Le marasme des lèvres jette l'encre. Étrangle des lames entre elles. Étrangle des lames entre elles. La douleur dans le dos crache sur les marins. Dans des ondes de cloche, sue sur l'encre la jetée des pluies. La tête assure la mort par le lait des sorcières. Obstruction des tabous, délivre de l'orage, signe les barricades artistiques. Les mauvais rêves sous la cour. convergence des cervicales, des os, des traîtres. Écarte la lassitude des fagots. Densité de la circulation, prohibe la source de l'air. La fumée signale des geysers de ferraille. La fumée signale des geysers de ferraille. Fiante souille les domestiques. Les mots étranges empêchent les totems de passage par les portes dorsales. Jouissance de cauchemar, goudronne le battement contre le glace. Des plumes et des plumards en pagaille pour dénouer les langues et les mains. Des taches noires et des boules de papier. Rien qu'une lampe et des ombres aux cheveux. Des moments pour faire froid qui rognent les langues du poignet. Pour une peine sucrée qui traverse les étages. Jusqu'en bas, on aura mis le nez dans la cave. Le temps d'aller et de ressortir, on aura trouvé, à savoir, une excuse peut-être tangible pour vivre à l'aise bien avant. Viscère en somme, c'est la foire aux organes que se déchire le tigre et entre serpents voraces, que se partage des spectres argentés sous le regard nu des badauds qui passent par là. Vous prendrez bien un bout de mon foie, ce qui reste de ma rate, comme au flash moins 10% sur mes chicots excédentaires. Je suis à vous le ventre ouvert. Les pauvres chers et rentrés, approchez de ce bar, damné pour calcifier, ne ratez pas l'enchère chérie des gendarmes éventés.